The Lord bless you. Le Seigneur vous bénisse. Precious people. Précieux peuple. In this second segment. Dans ce deuxième segment. I would like to briefly look at the summary. Je voudrais brièvement voir le résumé. Of the four apocalyptic horsemen. Des quatre cavaliers apocalyptiques. And what they have achieved until right now. Et ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant. And this is important. C'est important. Because this is going to be able to put it together for you. Parce que vous allez être capable de mettre ceci ensemble. What the condition of the earth is. Quelles sont les conditions de la terre? And what the prophetic significance of that is. Quelle est la signification prophétique de cela? In the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. And in the church. Et dans l'église. Well, I would like to begin with the rider of the white horse. Alors je voudrais commencer avec le cavalier du cheval blond. In a summary. En résumé. Again, I'm running through these four horsemen. Encore, je vais à travers ces quatre cavaliers. That I may get to this most sensitive message of tonight. Que je puisse arriver à ce message le plus sensible ce soir. About the war that is coming to Israel. À propos de la guerre qui arrive en Israël. But it would not be right to go to that war. Mais ça ne serait pas juste d'arriver à cette guerre. Without emphasizing on the accomplishment of the four horsemen. Sans souligner l'accomplissement des quatre cavaliers. Which actually gives birth to the war that I'm going to describe, the war coming to Israel. Qui actuellement donne naissance à cette guerre que je vais décrire, de la guerre qui va arriver sur Israël. But the first horseman. Mais le premier cavalier. The rider of the white horse. Le cavalier du cheval blanc. It's obvious that every building has now been brought down. C'est évident que maintenant chaque construction du temple sont maintenant écroulées. And no stone has been allowed to remain on another. Et aucune pierre n'est restée l'une sur l'autre. No stone has been left on another. Aucune pierre n'a été laissée l'une sur l'autre. And that essentially describes the apostasy that has befallen the church. Et ça essentiellement décrit l'apostasie qui est tombée sur l'église. As a result of the falsehood that the rider of the first horse brought into the church. En tant que résultat de la fausseté que le cavalier blanc a apporté dans l'église. And hence into the nations. Et d'ici aux nations. It is very vividly obvious. C'est très clairement évident that the state of apostasy in the church has actually aggravated. Que l'état de l'apostasie dans l'église s'est actuellement aggravé. And it's obvious today. Et c'est évident aujourd'hui that the church is adrift. Que l'église va à la dérive. She has moved out of the way that the Lord charted for her. Elle est sortie du chemin que le Seigneur avait tracé pour elle. Because the Lord spoke very clearly about the way that the church ought to pursue. Parce que le Seigneur a parlé très clairement à propos du chemin que l'église doit poursuivre. And he said, I am the light of the world. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Anyone that follows me, quiconque me suit, cannot walk in darkness. Ne marchera pas dans les ténèbres. And in some versions they say cannot walk in the dark. Et dans quelques versions, c'est dit que ne marchera pas dans le sombre. But will shine the light that is the light of Christ. Mais qu'il brillera de la lumière qui est la lumière de Christ. And have the life of Christ. Et aura la vie de Christ. So you see that today the church, even in her condition. Alors vous voyez que l'église, même dans sa condition. Ever since the release of the rider of the white horse. Même depuis le relâchement du cavalier du cheval blanc. Things have gotten totally out of hand. Les choses sont allées totalement hors contrôle. And now there is blatant and open sinning. Et maintenant, il y a un état de péché flagrant et ouvert. By congregations, par les congrégations, members of congregations, les membres des congrégations, by the pulpit, par la chair. We know in Kenya here, for example, now, nous savons au Kenya ici, par exemple, maintenant, it has almost become obvious for one bishop to dump a wife and marry a younger girl in the church. C'est devenu presque flagrant qu'un bishop quitte sa femme pour épouser une jeune fille dans l'église. In the same church where he preaches. Dans la même église, là où il prêchait. And that speaks of an extreme form of apostasy. Et ça dit une extrême forme d'apostasie. And what I'm trying to underscore here. Et ce que j'essaye de souligner ici. Is that when apostasy gets out of hand in that form. C'est quand l'apostasie n'est plus sous contrôle dans cette forme. Then it also speaks about the time. Alors ça parle aussi à propos du temps. The time that is finished. Le temps qui est fini. Because we know that there is no greater apostasy. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de plus grande apostasie. Than the apostasy of the abomination of the desolation. Que l'apostasie de l'abomination de la désolation. That only happens when the church has been taken away. Qui arrive seulement quand l'église a été enlevé. There are many things that define the condition of the church today. Il y a beaucoup de choses qui définissent la condition de l'église aujourd'hui. That have arisen from the works of the rider of the white horse. Comme le résultat des œuvres du cavalier du cheval blanc. And you can see that out of that he has dwindled the numbers that will make it into heaven. Et vous pouvez voir que par cela il a diminué le nombre de ceux qui iront au ciel. All these things were spoken about the rider of the white horse. Toutes ces choses parlaient à propos du cavalier du cheval blanc. You can see that he has also dwindled the love for Christ in the church. Vous voyez qu'il a aussi diminué l'amour pour Christ dans l'église. So it's very usual and normal today. Alors c'est très habituel et normal aujourd'hui. Out of the works of the rider of the white horse. En dehors du travail du cavalier du cheval blanc. To find that the majority of the body of Christ is actually lukewarm. Trouver que la majorité du corps de Christ est actuellement tiède. Lukewarmness is a very, very serious sin before the Lord. La tiédeur est un péché très sérieux devant le Seigneur. But to reach a place of numbness to lukewarmness. Mais arriver à une place où l'engourdissement dans la tiédeur. Then surely the rider of the white horse. Alors sûrement le cavalier du cheval blanc. Has made a great feat, a great achievement. A fait un grand pas, une grande œuvre. You see also in various ministries of the church. Vous voyez aussi dans beaucoup de ministères dans l'église. The works of the rider of the white horse. Les œuvres du cavalier du cheval blanc. And so I won't dwell much on that. Et encore, je ne vais pas rester là plus longtemps. But his works are very evident. Mais son œuvre est très évidente. And yet he's the most deleterious. He's the most dangerous in the church. Et déjà, il est le plus dangereux dans l'église. Because he gets the church astray from the highway of holiness. Parce qu'il égare l'église du haut chemin de la sainteté. And the church believes she's heading towards heaven. Et l'église croit qu'elle se dirige vers le ciel. And yet she has taken another road, she has detoured, she has branched off the main way. Elle a pris une autre route, elle s'est détournée, elle a bifurqué du chemin principal. The danger there is not being able to recognize the fall. Le danger là est de ne pas être capable de reconnaître la chute. So today, in this highlight of the rider of the white horse. Alors aujourd'hui, dans la mise en évidence du cavalier du cheval blanc. I want to bring it to you that. Je désire vous apporter ceci. The biggest achievement that the rider of the white horse has attained. La plus grande réalisation que le cavalier du cheval blanc a atteint. Is to make the body of Christ not realize that she has gone astray. Et de faire en sorte que le corps de Christ ne réalise pas qu'il s'est égaré. In other words, you can call it to make the church spiritually numb. En d'autres mots, vous pouvez appeler ça faire que l'église soit spirituellement engourdie. Numb to sin. Engourdie pour ce qui est du péché. Numb to the ways of the Lord. Engourdie au chemin du Seigneur. So the Lord at this hour, alors le Seigneur en cette heure, is looking forward to the bride, regarde, cherche l'épouse, the bride that has her heart not yet pierced, l'épouse dont le cœur n'est pas percé, by the sharp arrows of this rider of the white horse, par les flèches aiguisées de ce cavalier du cheval blanc. And I want to mention something very critical here. Et je désire mentionner quelque chose de très critique ici. That when the Lord sent me to prophesy the release of the white horseman the first, que lorsque le Seigneur m'a envoyé pour prophétiser le relâchement du cavalier du cheval blanc, le premier, at that time, en ce temps, the effects, les effets, the effects of distress, les effets de détresse, that were being exerted upon the church and the nation, qui ont été exercés sur l'Église et sur les nations, were as a result of the rider of this white horse, était un résultat du cavalier du cheval blanc. Name it corruption, whatever. Nommez-les la corruption et quoi encore. When the Lord sent me again to prophesy the coming of the rider of the red horse. Quand le Seigneur m'a envoyé pour prophétiser à propos de la venue du cheval rouge. And I'm going to share a little bit later, deeper on this one here, the red horse. Et je vais commencer à partager un peu plus. Plus tard, à propos de ce cheval roux, because when the Lord spoke to me about the rider of the red horse, parce que lorsque le Seigneur m'a parlé à propos du cavalier du cheval roux, he's coming, de sa venue, he also spoke to me about Israel. Il m'a aussi parlé à propos d'Israël. And that's why I will later come to that. It ties in a little bit to Israel. C'est pourquoi je viendrai là-dessus plus tard. C'est un peu en relation avec Israël. And very significantly, by the way. Et très significatif à propos. But anyhow, when the rider of the white horse, mais quand le cavalier du cheval blanc is released, est relâché, he brings deception to the church. Il apporte la déception à l'église. And the rider of the red horse, et le cavalier du cheval roux, red, bloodshed, red, rouge comme le sang. L'effusion de sang. He brings bloodshed. Il apporte l'effusion de sang. And we've seen the tremendous blood flow that has covered the earth. Et nous avons vu que une très grande effusion de sang a couvert la terre. And now also the third horseman. Et maintenant aussi le troisième cavalier. When the rider of the black horse is released. Quand le cavalier du cheval noir est relâché. The prophecy the Lord sent me to give across the earth until it happened. La prophétie que le Seigneur m'a donnée à dire autour de la terre jusqu'à ce que ça arrive. And still now the earth is still undergoing the same distress. Et encore maintenant, la terre est encore en train d'être dans la même détresse. From the effects of the rider of the black horse. Des effets du cavalier du cheval noir. And also the rider of the pale horse. Et le cavalier du cheval verdâtre. Until he was released. Jusqu'à ce qu'il soit relâché. Now, these four horsemen of the apocalypse. Maintenant, ces quatre cavaliers de l'apocalypse. When they're all released. Quand ils sont tous relâchés. Two, three or four together. Deux, trois ou quatre ensemble. I want you to know. J'aimerais que vous sachiez. That their effects are compounded together. Que leurs effets sont reliés ensemble. It is not that when the prophecy of the rider of the white horse is given. Ça n'est pas quand la prophétie du cavalier blanc a été donnée. And he is released. Et il est relâché. And then the prophecy of the red horse, the second one is given. Et quand la prophétie du cheval roux est donnée. And that when the red horse, the second one is released. Et quand le cheval roux, le second, est relâché. It is not that now the effects of the white horse stop, they cease to be. Ça n'est pas que les effets du cheval blanc s'arrêtent et arrêtent d'être. I want you to be able to see the escalation of the great distress that the four horsemen bring to the four ends of the earth. J'aimerais que vous voyiez l'escalade de des effets de ce que les quatre cavaliers ont apporté sur la terre. It is as though 1 + 1 + 1 four times is not equal to 4. C'est comme si 1 et 1 et 1 et plus 1 n'est pas égal à 4. It's an exponential effect. C'est un effet rapide et continu. It's a hyper effect. C'est un hyper effet. Because now that they were all released. Parce que maintenant où ils sont, ils ont tous été relâchés. You can see that the effects of the rider of the white horse are still going on. Vous pouvez voir que l'effet du cavalier du cheval blanc est encore en train d'agir. And escalating in the church. Et va en escalade dans l'église. And you can see that at the same time the effects of the red blood, the red horseman. Et vous voyez que dans le même temps, les effets du sang rouge du cavalier du cheval rouge are still going on and increasing exponentially. Agit encore et continue à croître. There was the bloodshed that has covered the earth. Les guerres, les effusions de sang qui ont couvert la terre. The removal of peace from people and nations and so forth. La suppression de la paix parmi les gens, parmi les nations, et ensuite, et ainsi de suite. And that is further compounded by the effects of the global economic crisis. Ça c'est davantage lié aux effets de la crise économique mondiale. And famine that come from the black horse. Et la famine qui est venue à travers le cheval noir. And then plus the effects of the death, the ride of the fourth horse, the pale horse. Et ensuite, plus les effets de la mort, le cavalier du quatrième cheval, du cheval verdâtre. In other words, you can say the effects of the horsemen are synergistic. Autrement, vous pouvez dire que les effets du cheval verdâtre sont synergiques. Again, I've said I would really want to come back to the release of the red horseman. Encore, j'ai dit, j'aimerais revenir au relâchement du cheval roux. Because it touches directly on the prophecy on Israel that I'm going to handle today. Parce que ça touche directement à la prophétie sur Israël que je vais développer aujourd'hui. But I want to focus a little bit on the third horseman. Mais je désire me concentrer un peu sur le troisième cavalier. The rider of the black horse. Le cavalier du cheval noir. And also on the fourth horseman. Et aussi sur le quatrième cavalier. And mention two key aspects. Et mentionner deux aspects clés. And I will also share with you other visions. Et je désire aussi partager avec vous d'autres visions. But first of all, mais premièrement, let us look at this third horseman. Regardons à ce troisième cavalier. I would like to review very briefly using two items. Je désirerais revoir très brièvement en utilisant deux détails. That you see accruing into your news. Que vous voyez revenir dans vos nouvelles. That you may perceive. Pour que vous puissiez percevoir. Comprehend and understand. Comprendre. The height of achievements that has been struck, that has been obtained by this rider of the third horse. La hauteur des réalisations qui ont été amenées, qui ont été obtenues par ce cavalier du troisième cheval. The rider of the black horse. Le cavalier du cheval noir. Let us listen to just a few news clips. Écoutons juste un peu de clips d'actualité. After which I'm going to give you a commentary on that. Après cela, je vais vous donner un commentaire de cela. And give you the conclusion, the revelation therein. Et vous donner les conclusions, les révélations qui sont là-dedans. And this is what is happening right now. Et c'est ce qui s'est passé juste maintenant. Globally. Globalement. As a result. En tant qu'un résultat. A direct result of this prophecy. Un résultat direct de cette prophétie. On the rider of the black horse. À propos du cavalier du cheval noir. Just this weekend, financial advisors to the German government reportedly admitting the EU rescue fund won't be enough to save Italy if it slips into crisis. Now, it's the EU's third largest economy. If it does default, what then? Well, look, I mean, what the Germans have said is just something that we've all been saying for months and months and months, but nobody wanted to realistically appreciate. Let's try and understand the size of the numbers here. The Italian government owes 1.8 trillion euros. Now, that means nothing to anybody, but that is bigger than the total government debt of Ireland, Portugal, and Greece put together. before the end of this year, Italy needs to sell bonds, debt, which is equivalent to the whole of the Greek government bond market. In other words, all of the Greek debt that we've been talking about for weeks and weeks and weeks as being a huge crisis. Italy is huge. It is just too big to manage to, in any way, be rescued in the way that other economies have so far been bailed out by the EU. Juste cette fin de semaine, les conseillers financiers du gouvernement allemand auraient admis que le fonds de sauvetage européen ne sera pas suffisant pour sauver l'Italie si elle glisse dans la crise. Maintenant, elle est au troisième rang de l'Union européenne. Si elle fait défaut, que faire? Eh bien, regardez, ce que les Allemands ont dit est juste quelque chose qui nous a été dit depuis des mois et des mois, mais personne ne voulait réaliser qu'ils s'en rendaient compte. Essayons de comprendre l'importance des chiffres ici. Le gouvernement italien doit 1,8 billion d'euros. Maintenant, ça ne signifie rien pour personne. Mais c'est plus que la dette totale des gouvernements irlandais, portugais et grecs ensemble. Avant la fin de cette année, l'Italie a besoin de vendre des obligations. Sa dette est équivalente à tout le marché d'obligations du gouvernement grec. En d'autres termes, la totalité de la dette grecque, dont nous avons parlé pendant des semaines et des semaines comme étant une très grande crise, l'Italie est énorme. C'est juste trop grand pour le gérer. En aucun cas être sauvé de la manière dont d'autres économies ont été renflouées jusqu'à présent. More ratings woes for the European Union. Fitch has downgraded five countries that use the euro, including economic heavyweights Italy and Spain. The move, which also included Belgium, Cyprus, and Slovenia, was largely expected. The agency had said it was reviewing the country's ratings. Fitch lowered ratings for the five countries by one notch. Italy went down to A-, Spain slumped to an A. Additionally, a sixth country, Ireland, saw its BBB+ rating affirmed, but also received a negative outlook. Mark Hamrick, The Associated Press. Des indices encore plus malheureux pour l'Union européenne. Fitch a rétrogradé cinq pays qui utilisent l'euro, y compris les poids lourds économiques de l'Italie et de l'Espagne. Le mouvement, qui comprend également la Belgique, la Chypre et la Slovénie, on s'y attendait en grande partie. L'agence a indiqué qu'elle examinait les évaluations des pays. Fitch a baissé d'un cran l'évaluation des cinq pays. L'Italie est descendue à A-, l'Espagne a échangé contre un A. En outre, un sixième pays, l'Irlande, a vu son BBB+ affirmé dans l'évaluation, mais aussi a reçu une perspective négative. Greeks are venting their anger at even more planned cuts, which the EU is demanding in return for vital funds. Two more Greek ministers have quit over the deal, making it three resignations since its announcement. Police clash with protesters in Athens, firing tear gas in response to stones and firebombs. There have been reports of some injuries. Around 7,000 people gathered outside Parliament, while 10,000 communist supporters marched in another part of Athens. That's a two-day union strike brought the country to a standstill. L'Union européenne demande le retour du fonds vital pour qu'il y ait plus de ministres grecs qui quittent. Il y a eu trois démissions sur cette annonce. La police a heurté des manifestants avec des gaz lacrymogènes en réponse aux pierres et aux bombes enflammées. Environ 7000 personnes se sont rassemblées devant le Parlement pendant que 10 000 partisans communistes manifestaient dans une autre partie d'Athènes. Deux jours de grève ont amené la ville à l'arrêt. Alléluia. Alléluia. Briefly, brièvement, you can see the current news reportage. Vous pouvez voir les reportages des nouvelles courantes that appertain directly to the direct effect. Qui appartiennent directement aux effets directs, direct effects of the rider of the black horse, aux effets directs du cavalier du cheval noir. Now, most recently, maintenant, plus récemment, I was up on air here. Je parlais à la radio ici. Late in the night. Tard dans la nuit. When the Lord spoke with me, and that conversation was quite a very shaking conversation. Quand le Seigneur m'a parlé, et cette conversation était une conversation très secouante. And that was the first time I spoke the message of the Lord right after the Lord had just spoken. Et c'était pour la première fois que je donnais un message du Seigneur juste après que le Seigneur l'a juste dit. A few minutes after then, I was live on air in the middle of the night. Quelques minutes après cela, j'étais à la radio au milieu de la nuit. When the messenger came from heaven. Quand le messager est venu des cieux. And stood right above the earth. Et s'est tenu juste au-dessus de la terre. The messenger that was covered all over with bees up to the shoulder. Le messager qui était complètement couvert d'abeilles jusqu'aux épaules. With millions upon millions of bees. Avec des millions et des millions d'abeilles. And I could see even his eyes, the eyelids, eyebrows. Et je pouvais voir même ses yeux, ses paupières, ses sourcils. As the bees were dropping from the eyelids and so forth. Et comme les abeilles tombaient de ses paupières, etc. And even as he spoke with me, I could see bees falling from the mouth as he opened the mouth speaking with me. Et alors qu'il parlait avec moi, je pouvais voir les abeilles tomber de sa bouche alors qu'il parlait avec moi. And it was astonishing, as I said in that conversation of the night, that shaking vision that shook me. Et c'était étonnant, comme j'ai dit dans cette conversation de la nuit, une vision choquante qui me choquait. That he that was sent to speak with me. Celui qui était envoyé pour me parler. He looked exactly like he who speaks with you today. Il paraît exactement comme celui qui parle avec vous aujourd'hui. And when he spoke, et quand il a parlé, he said, "I have been sent to report to you." Il a dit, j'ai été envoyé pour te rapporter, to let you know, pour que tu saches, that I have now collapsed all the financial institutions. Que j'ai maintenant fait effondrer toutes les institutions financières. And so I woke up that night and faithfully transmitted this information. Et alors je me suis réveillé cette nuit et très fidèlement et transmis cette information. But you can see in a nutshell. Alors vous pouvez voir dans un résumé. That ever since the prophecy of the coming of the global economic crisis. Que depuis que la prophétie de la venue de la crise économique mondiale was given here from Nakuru, where we are broadcasting from, a été donnée ici de Nakuru, où je l'ai dit par radio, at the large ground next to the high school, à la large place qui se trouve près de la haute école, when I stood before millions of people and said, I have seen the release of the black horse. Quand je me suis tenu debout devant des millions de gens et que j'ai dit, j'ai vu le relâchement du cheval noir. And I said, that is the book of Revelation chapter 6. Et j'ai dit, ça c'est dans le livre de l'Apocalypse chapitre 6. And that means there is a global famine. Et ça signifie qu'il y a une famine globale. Global economic crisis. Une crise économique global, that is coming to the earth. Qui vient sur la terre. We saw the first wave. Nous avons vu la première vague. It was quite devastating. C'était très dévastateur. And we saw the shaking of the global financial markets. Et nous avons vu le marché global, le marché économique mondial, être secoué. For the first time in a major, major way. Pour la première fois. D'une façon très, très importante. Barely 3 months from when the pronouncement was given here at Nakuru. Presque 3 mois après que cette prophétie a été annoncée ici à Nakuru. In fact, it was about 1 month after that prophecy. En fait, c'était à peu près 1 mois après cette prophétie. Because the prophecy was on August 23rd and 24th. Parce que la prophétie était en août, le 23 et le 24. The year 2008. En 2008. And you see, come early October, that prophecy was fulfilled. Et vous avez vu qu'en octobre est venu, cette prophétie était accomplie. Across the globe. Tout autour du globe. When the largest global investment bank. Quand les banques d'investissement les plus larges. The Lehman Brothers. La Lehman Brothers. When the Lehman Brothers, quand Lehman Brothers finally collapsed, finalement s'est écroulé, and when that bank collapsed, et quand cette banque s'est écroulée, the holders of their stocks, people that were holding stocks of their value, their stocks, ceux qui avaient des réserves de leur valeur, ceux qui détenaient ces réserves, with given denominations of their value, avec des dénominations données de leur valeur. They just woke up one day and realized that they had zero in their hands. Ils se sont juste réveillés un jour et ils ont réalisé qu'ils avaient zéro dans leurs mains. And that is what created the so-called domino effect. Créé ce qui a été appelé l'effet domino. That when the markets crashed from New York, que lorsque le marché s'écrase de New York, they came all the way and passed through London. Ils vont tout le chemin et passent à Londres. Pass through Frankfurt. Et passent à travers Francfort. Paris. Paris. All the way to Hong Kong. Tout le chemin jusqu'à Hong Kong. And Shanghai. Jusqu'à Shanghai. And that is what crashed the globe in 24 hours. Et c'est ce qui a fait écraser le marché global. So precious people. Alors, précieux peuple. I remember too well that immediately I left South Korea. Je me souviens trop bien que quand j'ai immédiatement quitté la Corée du Sud. 31st July. C'était le 1er juillet 2010. 2010. Then I went to Brisbane, Australia. Ensuite, je suis allé à Brisbane, en Australie. First all the way to 4th of August 2010. Commençant le 1er jusqu'au 4 août 2010. Et j'ai dit that I see a second bout of the global economic crisis coming by. Que je vois une seconde crise de la crise économique globale, mondiale, venir. And when I left Australia, et quand j'ai quitté l'Australie, and then we saw very slowly the creeping in of the second bout. Et ensuite nous avons vu très lentement l'infiltration du second tour. One time the nation of Greece just woke up. Une fois, la nation grecque s'est juste réveillée and found out et a trouvé that they had run out of cash. Que leur argent ne valait plus rien. And it was instant. Et c'était subi. And there was a lot of blame that was laid to what accounting, who did not account well for what, but the financial situation had crashed. Et il y avait beaucoup de blâme qui était énoncé, quelle comptabilité, qui n'avait pas regardé, bon pourquoi, mais la situation financière était écrasée. What has been happening? Qu'est-ce qui était arrivé? Is the manifestation and the fulfillment. C'est la manifestation de l'accomplissement. Of that vision of August 19th. De cette vision du 19 août. When I saw the rider of the black horse going. Quand j'ai vu le cavalier du cheval noir allant. To all nations going across the nations of the earth. Dans toutes les nations, aller à travers toutes les nations de la terre. And so you see that he goes to the nations. Et alors vous voyez qu'il va dans les nations. One after the other. L'une après l'autre. In one of those rounds of his. Et une de celles-là prend son tour. When he came upon Greece. Quand il est venu sur la Grèce. Then we saw what happened to Greece. Alors nous avons vu ce qui est arrivé à la Grèce. And today it is still a developing story. Et aujourd'hui c'est encore une histoire qui se développe. Greece is a classical example. La Grèce est un exemple classique of the achievement of the rider of the black horse. De la réalisation de l'œuvre du cavalier du cheval noir. In other words, when he crashed the global economy. En d'autres mots, lorsqu'il écrase l'économie mondiale. Then the classic example is when he narrowed down and he passed by Greece. Et l'exemple classique, c'est quand il se limite à passer par la Grèce. That means the rider of the black horse passed through Greece. Ça signifie que le cavalier du cheval noir passe par la Grèce. When you see in your news, quand vous voyez dans vos nouvelles, the great devastation and the ravaging economic crisis in Greece, la dévastation et le ravage de l'économie en Grèce, or any country, ou dans n'importe quelle contrée, you should be able to understand in the spiritual sense, vous devriez être capable de comprendre dans un sens spirituel, that the rider of the black horse, que le cavalier du cheval noir, has essentially, a essentiellement, crossed over, he has passed through that land, traverser et passer à travers ce pays. And this should be very scary. Et ça devrait être très effrayant. Because that means if he has not yet crossed your country or other countries. Ça signifie que s'il n'a pas encore passé par votre pays, there is every opportunity that he is coming. Il y a beaucoup d'opportunités qu'il va venir. But anyhow, mais qu'importe, the collapsing of the global economy, l'effondrement de l'économie mondiale, and then the story of Greece. Et ensuite, l'histoire de la Grèce. You have seen the tremendous riots in the streets. Vous avez vu d'énormes émeutes dans les rues. Including the bloodshed in the streets. Incluant des effusions de sang dans les rues. Because of the great austerity measure, the great financial tightening of the belt. À cause de la grande mesure d'austérité. You see every time in the news. Vous voyez chaque fois dans les nouvelles. That if Greece is not bailed out. Que si la Grèce n'est pas sauvée. By the eurozone. Par la zone euro. Greece is going to be bankrupt. La Grèce va faire faillite. And that tells you. Et ça vous dit. That Greece is essentially bankrupt. Que la Grèce est essentiellement en faillite. And she's essentially depending on begging from the European Bank or the eurozone. Et essentiellement, elle mendie dans la zone des euros. And you can see how many people have lost their jobs in Greece. Et vous pouvez voir combien de gens ont perdu leur travail en Grèce. And if you look at the projections that are being spoken right now. Et vous regardez à la projection qui a été dite juste maintenant. In Greece. En Grèce. They are projected like they will be laying off 150,000 workers per given time. Ils font des projets comme 150 000 travailleurs qui perdent leur travail pour un temps donné. Which means it's like planning to lay off the whole nation. Ce qui signifie faire un plan de renvoyer toute la nation de leur travail. But if you want to understand how complicated and how devastating this rider of the black horse is. Mais si vous désirez comprendre comment compliqué et comment dévastateur est ce cavalier du cheval noir. We know that for any country to have an economic growth. Nous savons que pour chaque contrée, pour avoir une croissance économique. Economic recovery. Une renaissance économique. There must be economic activity in that country. Il doit y avoir une activité économique dans cette contrée. An economic activity in a country. Et une activité économique dans une contrée. Depends on the spending ability of the citizenry. Dépend de la capacité des gens à dépenser. That people may go use M-Pesa, go to kiosk, buy bread, that they may have some purchasing power. Que les gens puissent aller acheter du pain, aller au kiosque pour qu'ils puissent avoir un certain pouvoir d'achat. But what is happening in Greece is too complicated right now. Mais ce qui est arrivé à la Grèce est trop compliqué juste maintenant. Because by laying off almost I don't know what percentage of the population. Parce que en renvoyant de leur travail presque je ne sais pas combien de pourcents de la population. First of all, you are rendering them unemployed. Alors, premièrement, vous trouvez des gens qui ne sont pas employés. And so they have no jobs, no income. Alors, ils n'ont pas de travail et rien pour vivre. And when they have no money to spend. Et quand ils n'ont pas d'argent à dépenser. How will Greece come out and experience economic growth again? Comment est-ce que la Grèce peut sortir de sa crise économique? There must be a spending ability. Il doit y avoir la capacité de dépense. Even in Kenya, you can see it. Même au Kenya, vous pouvez voir cela. That as people spend, the economy grows. Que lorsque les gens dépensent, l'économie croît. 15 bob, you buy a box of matches. 10 bob, you buy a Uzi, you buy a Skubawiki. You know, that is what builds the economy. That's economic activity. 15 shillings, vous achetez une boîte d'allumettes. 10 shillings, vous achetez du fil. Vous achetez des légumes. Et ça, c'est ce qui construit l'économie. C'est l'activité économique. But how then does Greece expect to experience growth and recovery from that fall? Mais comment est-ce que la Grèce peut trouver une nouvelle vie économique et une activité et croître de nouveau et que son économie croisse de nouveau? When people are being laid off and they don't have money to spend, so there is no economic activity. Quand les gens ont perdu leur travail et qu'ils n'ont pas d'argent à dépenser, alors il n'y a pas d'activité économique. The effects of the rider of the black horse. Les effets du cavalier du cheval noir are indeed extremely devastating. Sont en réalité très dévastateurs. And Greece is a classical example. Et la Grèce est un exemple classique. But in the news clips that we just played right now, et alors dans les clips de nouvelles, the news reportage we just played about the Eurozone alone, à propos de la zone euro seulement. You see very clearly the reportage saying, the analysts. Vous pouvez voir très clairement ce que disent les reporters et les analystes. That the Italian economy, que l'économie italienne, is essentially one third of the EU economy, est essentiellement le tiers de l'économie de l'Union européenne. And is much, much, much bigger than the Greek economy. Et c'est beaucoup, beaucoup plus grand que l'économie grecque. And yet we know that Italy, even as you've heard in the reportage, et maintenant nous savons que l'Italie, même quand vous l'avez vu dans le reportage, that Italy is experiencing a grave financial crisis right now. Que l'Italie expérimente juste maintenant une très grande crise financière. In fact, there was even a change of leadership in Italy and Greece both. En fait, il y avait même un changement de leader en Italie et même en Grèce. And you heard what was spoken in the news reportage. Et vous avez entendu ce qui était reporté dans les nouvelles. That Greece, at least, there is a trial to bail her out. Que la Grèce, à la fin, on essaye de la sortir d'affaire. But Italy is impossible to bail out because her needs are too big. Mais c'est impossible de sortir l'Italie d'affaire parce que ses besoins sont trop grands. Even the IMF does not have the money for it. Même le Fonds monétaire international n'a pas l'argent pour ceci. But we know that the Spanish economy in Spain is the same thing. Mais nous savons que l'économie espagnole en Espagne, c'est la même chose. And we know that the Portuguese economy is still heading south also. Et nous savons que l'économie portugaise s'effondre elle aussi. And we know that right now the Chinese economy is slowing down. Et nous savons que juste maintenant l'économie chinoise est en train de descendre. The Indian economy, the massive Indian economy, was now slowing down at a much faster rate. L'économie indienne, la massive économie indienne, est maintenant en train de descendre. The economic crisis that appertains to the US economy is obvious. La crise économique est évidente. Precious people. Précieux peuple. The rider of the black horse. Le cavalier du cheval noir. The black horse of the apocalypse. Le cheval noir de l'apocalypse. That I prophesied. Que j'ai prophétisé. As coming from the throne of God. Comme venant du trône de Dieu. I think that became one of the most humongous prophecies that the Lord ever sent me to give. Je pense que c'est la plus grande, la plus énorme prophétie que le Seigneur ne m'a jamais envoyé donner. That has become fulfilled. Qui s'est accompli. It has devastated nation upon nation. Ça a dévasté les nations sur nations. The entire globe is perpetually involved in a conversation about the economic crisis. Le globe entier est complètement occupé à parler de cette crise économique mondiale et de perdre son travail. The fear of depression. La peur de la récession, la peur de la dépression. Remember the countries that used to pride themselves as the rich European countries. Souvenez-vous des contrées qui avaient l'habitude de s'enorgueillir comme étant une des contrées riches. That had a lot of reserves and very stable economies. Qui avaient beaucoup de réserves, qui avaient une économie très stable. The countries that were known to be fully established and to be lenders. Les contrées qui étaient connues comme étant pleinement établies et d'être des prêteurs aux autres nations. In Europe. En Europe. Now you can see for yourself. Maintenant vous pouvez voir par vous-même. Out of the effects, the achievement of the rider of the black horse. Les effets des réalisations du cavalier du cheval noir. The largest economy on the earth. La plus grande économie sur la terre. And very great unemployment. Et un très grand manque d'emploi. And what amazes me. Et ce qui m'étonne, there is something called credit rating of a country, of a nation. Il y a quelque chose qui est appelé les rentes de crédit parmi les nations. That when a nation is very wealthy, quand une nation est très riche and highly established, et hautement établie, she is rated as a triple A, three A's, triple A rating. Elle est classée en tant que 3A. 3A, le classement. Like somebody doing an exam, KCSE, and getting A, triple A. Pour donner un exemple, quelqu'un qui aurait sa maturité ou son bac avec AAA, 3 fois A. It is as though those nations did an exam that tests their economies, their financial wealth. C'est comme si ces nations donnaient un exemple de la santé financière. And then they got triple A, they got all A's. Et ensuite, ils vont avec un triple A, tout avec A. And then now, when the Lord finally sends me to prophesy this ominous rider of the black horse. Et ensuite, quand le Seigneur m'a envoyé pour prophétiser ce menaçant cavalier du cheval noir. And then you see finally, et vous voyez finalement, the US economy crashes. L'économie des USA est écrasée. To the extent, au point où, that manufacturing is reduced. Cette manufacture est réduite. The biggest companies like General Motors that were well established globally. Les plus grandes compagnies comme General Motors qui étaient très bien établies mondialement. Finally, almost filing bankruptcy, the government has to bail them out. Finalement, toutes et les banques aussi, le gouvernement doit venir les aider. And then we see in the US. Et ensuite, nous voyons aux États-Unis. That finally their triple A rating is downgraded. Finalement, le classement de 3A est déclassé. For the first time since America was created. Depuis la première fois depuis que les États-Unis sont créés. But we see the same thing happening in Europe. Et nous voyons la même chose arriver en Europe. In the news reported you heard. Dans les reportages, dans les nouvelles que vous avez entendues, you heard that the banks were being downgraded. Vous avez entendu que les banques étaient très dégradées. The rich countries like France, les contrées riches comme la France, wealthy, saines, affluent, riches, financially established, et financièrement établies, finally have been downgraded. Et finalement ont été déclassées. And on one day, 15 European nations were all downgraded. Et en un jour, 15 nations européennes ont été toutes rétrogradées. 2012. En 2012. Precious people. Précieux peuple. Société générale. La Société générale. One of the biggest banks in France. Une des plus grandes banques en France. Downgraded. Dégradé. Even Santander, the biggest bank in Spain. Même Santander, la plus grande banque en Espagne. Downgraded. Déclassé. The rider of the black horse. Le cavalier du cheval noir. He has made significant achievements across the globe. Il a fait des réalisations significatives à travers le globe. He has unleashed a distress that the earth has not seen before. Il a déclenché une détresse que la terre n'a pas vue avant. And when it comes to the famine, et quand une famine arrive, we remember what happened in the Horn of Africa. Vous vous souvenez ce qui s'est passé dans la corne de l'Afrique. And it's still going on in Somalia even today. Et ça continue en Somalie, même aujourd'hui. We remember the great famine that struck Kenya also. Vous vous souvenez de la grande famine qui a frappé le Kenya aussi. And parts of Kenya are still experiencing that famine. Et une part du Kenya est en train encore d'expérimenter cette famine. We remember the famine that hit Ethiopia. Vous vous souvenez de la famine en Éthiopie. And until now, there is still a lot of ravaging famine and hunger. Et encore maintenant, il y a beaucoup de famine qui ravage et de faim. Large numbers of people are dependent on handouts from refugee agencies. Un grand nombre de personnes sont encore dépendantes d'aide comme des agences de réfugiés. But now look at what the United Nations has just announced about the Sahel region. Et maintenant, regardez à ce que les États-Unis ont déclaré à propos de la région du Sahel. That is the region of Chad, Mauritania, all those countries around there. C'est la région du Tchad, de la Mauritanie, de toutes ces contrées tout autour. The Sahel region. La région du Sahel. Including Nigeria, northern Nigeria. Incluant le Nigeria, le nord du Nigeria. And you see that they are saying a most historic famine. Et vous voyez qu'ils disent qu'il y a une famine plus que historique. That has never happened. Has come to that region and it's just beginning to take shape. Qui n'est jamais arrivé et qui vient dans cette région et qui commence seulement. Precious people. Précieux peuple. The rider of the black horse of the apocalypse. Le cavalier du cheval noir de l'apocalypse. Whose prophecy I gave. Dont je vous ai donné la prophétie. On that August 19th vision 2008. Dans cette vision du 19 août 2008, when I said, quand j'ai dit, that the third seal on the scroll of God in heaven was about to be broken, que le troisième sceau du rouleau de Dieu dans le ciel va être brisé, and that when that seal will be broken, et quand ce sceau sera brisé, even according to the words of my tongue, même en accord avec les paroles de ma langue, that then the black horseman will be released. Alors, le cavalier du cheval noir va être relâché. And he will go across the entire earth. Et il va aller à travers la terre entière. Bringing a most abhorrible financial crisis. Apportant la plus grande crise financière. Big historic unemployment. Un sous-emploiement historique. Freezing the credit lines. Le gel des lignes de crédit. Bringing famine. Apportant la famine. And hence generating dispute on how this can be solved. Générant des disputes pour savoir comment est-ce que ça peut être résolu. Look at the way the Eurozone is struggling now to keep Europe in one piece. Regardez comment la zone de l'euro lutte maintenant pour garder l'Europe en une pièce. The Eurozone was established and declared the wealthiest conglomeration of states. La zone euro était établie et se déclarait la plus saine conglomération parmi les États. Established states that would never be shaken by anything else. Des États établis qui ne seront secoués par rien d'autre. But now look at the fact that every time in the news. Et maintenant regardez au fait que chaque fois dans les nouvelles. What you read is that if the euro goes, bye bye Eurozone. Si l'euro ne va pas, alors il n'y a plus d'Europe. The euro currency. Le cours de l'euro. That if the euro currency will collapse. Que si le cours de l'euro s'effondre. It will be a catastrophe because the eurozone will split. Ça va être une catastrophe parce que la zone euro va se diviser. What is amazing me now? Ce qui m'étonne maintenant. Is that because the eurozone countries are tired of carrying Greece. Parce que l'Europe est fatiguée de porter la Grèce. Of carrying the burden, the debt burden of Greece. De porter les dettes, les fardeaux de dettes de la Grèce. Germany, for example. L'Allemagne, par exemple. And the rest. Et le reste. They have now reached a point where they have said. Ils sont arrivés à un point où ils ont dit. That even if Greece gets out of the eurozone, it's okay. Si la Grèce sort de l'Europe, alors ça va. Which means the splitting is beginning. Ce qui signifie que la division a commencé. Look at the mighty achievements of the rider of the black horse of God, the black horse of apocalypse. Mais regardez aux puissantes réalisations du cavalier du cheval noir de Dieu, du cheval noir de l'apocalypse. That is absolutely stunning. C'est absolument étonnant. What one horseman can do to the entire globe. Ce qu'un cavalier peut faire sur le globe entier. And Jesus said. Et Jésus a dit. In Matthew 24 verse 8. Dans Matthieu 24 verset 8. All these are the beginning of birth pain. Ce sont le commencement des douleurs de l'enfantement. You are all aware of the heavily prophesied global economic crisis. Vous êtes tous au courant de la crise économique mondiale qui a été fortement prophétisée. That will take place in the tribulation. Qui va prendre place pendant la tribulation. And the great tribulation. Et de la grande tribulation. So if all this that we are seeing, which the whole earth has succumbed to. Si tout ceci que nous avons vu, dans quoi la terre a succombé. Is just the beginning of that pain. Est juste le commencement des douleurs de l'enfantement. Then how much more horrendous is the true economic crisis of the true birth pain. Et combien plus horrible est la vraie crise économique des vraies douleurs de l'enfantement. The economic crisis that will accrue during the tribulation. La crise économique qui va s'accroître pendant la tribulation. You see a lot of strikes and riots in France. Nous voyons beaucoup de grèves et d'émeutes en France. Strikes and riots in Kenya. Des grèves et des émeutes au Kenya. By the doctors, by the nurses. Par les docteurs, par les infirmières. In India, there was a national strike by all workers. En Inde, il y a une grève nationale de tous les travailleurs. When I looked at the rider of the black horse. Quand j'ai regardé au cavalier du cheval noir. On that day when the Lord spoke to me about that prophecy. En ce jour où le Seigneur m'a parlé à propos de cette prophétie, I looked at how ferocious he was roving around the earth. J'ai vu combien il était féroce, errant autour de la terre. And I tallied that. Et j'ai comptabilisé ceci. With the frowning face of the third creature that the Lord showed me. Avec le visage renfrogné de la troisième créature que le Seigneur m'a montré, that brought very close, that went back and released him. Qui a été amené très près et qui est retourné et qui l'a relâché. The third creature around the throne of Jehovah. La troisième créature autour du trône de Jéhovah. When I looked at the seriousness of the frowning of his glorious face. Quand j'ai vu le sérieux des sourcils français de sa face glorieuse. And I tied that with the ferocious roving of this rider of the black horse across the earth. Et j'ai lié cela avec la féroce errance de ce cavalier du cheval noir autour de la terre. And that morning. Et ce matin, I say to myself. Je me suis dit à moi-même. That surely, surely. Que certainement, certainement. Verily, verily. Que en vérité, the devastation he will bring to the earth. La dévastation qu'il va apporter à la terre. Will be as ominous as his roving rounds. Sera aussi de mauvaise augure que ses tours errants. As ominous as his ferociousness. D'aussi mauvaise augure que sa férocité. And as serious as the frowning of the face of the third creature around the throne of God. Et aussi sérieux que sont les sourcils français de la face de la troisième créature autour du trône de Dieu. Who released him. Qui le relâche. And until today. Et jusqu'à aujourd'hui, this is still a developing story. C'est encore une histoire qui se développe. You find that leaders of government, vous trouvez que des leaders de gouvernement, their election, leur élection, in the elections, dans les élections, is now strongly hinged on economic crisis. Or what can he do for the economy? Et maintenant, fortement articulé sur la crise économique, ou qu'est-ce qu'il peut faire pour l'économie? We see in the U.S. the elections that are coming are greatly anchored. They are hinged on the economy of the U.S. Vous voyez, aux États-Unis, les élections qui viennent sont grandement ancrées, sont articulées sur l'économie des États-Unis. We see in France now. Vous voyez maintenant en France Nicolas Sarkozy that his re-election is directly hinged onto the economy of France. Nicolas Sarkozy, sa réélection est directement articulée sur l'économie en France. We saw in Ireland what happened when the prime minister was thrown out and the new one came in because of the economy. Nous avons vu en Irlande comment l'ancien, quand le premier ministre est sorti et que le nouveau est venu à cause de l'économie. UK, many places. Au Royaume-Uni, dans beaucoup de places. Surely the rider of the black horse. Certainement, le cavalier du cheval noir has made a global, significant global achievement. A fait une réalisation mondiale et significative. But what is the spiritual message? What is the secret behind that? What is the hidden message now? Quel est le message spirituel? Quel est le secret là? Quel est le message caché là? That when you see him achieve a climax, a max. Quand vous le voyez réaliser un point important, un max. A maximum of the mission is achieved. Le maximum de la mission qui est achevé. That can also tell you. Ça vous dit aussi. Very clearly that the mission of the four horsemen. Que très clairement la mission des quatre cavaliers. Is achieved. Est atteinte. That can also tell you. Ça peut aussi vous dire. That the earth has now been ripened enough. Que maintenant la terre a été assez mûre. Remember the four horsemen of the apocalypse come to ripen the earth. Souvenez-vous, les quatre cavaliers de l'apocalypse sont venus pour mûrir la terre. They come to ripen the earth. Ils sont venus pour mûrir la terre. For tribulation. Pour la tribulation. For the Antichrist. Pour l'Antichrist. And so I want to move very slowly back. Alors je vais retourner très lentement en arrière. I want to regress again, move back to the second horseman. Et je veux régresser encore, retourner au deuxième cavalier. As I begin to touch on Israel. Comme je commence à toucher Israël. I want to use the vision of April 2nd, 2004. Je vais utiliser la vision du 2 avril 2004. Which I'm going to describe. Que je désire décrire. When the glory covered the throne. Quand la gloire couvrait le trône. The Lord lifted me up and I stood before the throne of God. Le Seigneur m'a élevé et je suis resté devant le trône de Dieu. And the glory covered his throne. Et la gloire couvrait son trône. And all of a sudden the moon appeared. Et très soudainement la lune est apparue. And then I saw the Lamb of God that was slain for the sins of the world. Et ensuite j'ai vu l'agneau de Dieu qui était immolé pour les péchés du monde. Then I saw first of all half of the moon turn into blood. Et j'ai vu la moitié de la lune tourner en sang. Bloody. Comme du sang. And then it became totally bloody. Et ensuite elle est devenue totalement ensanglantée. And then it overshadowed. Et ensuite, ça a donné de l'ombre. The bloodiness overshadowed the whole earth. Et la terre paraissait entièrement couverte de sang. And then he took me to Israel. Et ensuite, il m'a transporté en Israël. He showed me a few things that we are going to share in the next segment. Et il m'a montré un peu de choses que je vais partager dans le segment suivant. Because in that discussion, parce que dans cette discussion, I'm now going to slowly move into Israel. Je vais maintenant me déplacer lentement sur Israël. But before I do that, mais avant que je fasse cela, I will also use one highlight. Je veux aussi utiliser quelque chose pour souligner. To underscore the achievement of the rider of the pale horse. Pour souligner la réalisation du cavalier du cheval verdâtre. Ever since he was released. Même depuis qu'il a été relâché. And I'm going to focus on the case in Syria. Et je vais me concentrer sur le cas de la Syrie. I know Libya is a classic case of his own merit. Je sais que la Libye est un cas classique de son propre mérite. I know that Egypt is a classic case in Tahrir Square of what its merit. Je sais que en Égypte, le square Tahrir vaut son mérite. Where the pale horseman was released. Où le cheval verdâtre a été relâché. I know the case in Yemen is a classic case on its own. Je sais que le cas du Yémen est un cas classique en lui-même. I know that the case in Bahrain is classic and warrants its merit. Je sais que le cas de Bahreïn est classique et garantit son mérite. But when we come back on the other segment, mais quand nous revenons à l'autre segment, I will bring to you very clearly, je vais vous apporter très clairement this classic case of Syria, ce cas classique de la Syrie, which is still a developing story even now, qui est encore une histoire qui se développe même maintenant, that the UN is even defeated on how to handle, et que même les Nations Unies sont vaincues et ne savent pas comment le traiter. And then after I finish with that rider of the pale horse, et ensuite après que j'ai fini avec ce cavalier du cheval verdâtre, then I'll go back to the second horseman, alors je vais revenir au deuxième cavalier, the vision of April 2nd, la vision du 2 avril, and link it to the big message for tonight, et le lier au grand message de ce soir, and tonight's message, et le message de ce soir, the most sensitive information the Lord has sent me with, l'information la plus sensible pour laquelle le Seigneur m'a envoyé, is regarding the war between Israel and Iran, concerne la guerre entre Israël et Iran, which is about to happen, coming up, qui arrive. Everybody watching news sees that this is now going to happen. Tous les gens qui regardent les nouvelles savent que cela va arriver. What is the significance of that war? Quelle est la signification de cette guerre? How is it related to rapture? Comment est-ce que c'est relié à l'enlèvement? Shalom.